Activité 6, page 27. Piste 18. A. Des œufs. B. Du bœuf. C. Délicieux. D. Un œuf. E. Les saveurs. F. La vapeur.